Vas-y, tu finiras ton quête là. Mon tourneur froid, c'est Fallujah. Une rafale dans vos nerfs. Mon flow, c'est un garage. J'étais bastos chargé comme une corde. Faut qu'elle pour faire une hagra. Télérix, explosif pour faire une rafale. Le molotov pour faire un masque. Et qu'on s'accède, c'est violence, faire pas. Rien à foutre du tu viens ou qui tu sois, gros. Et sur le faux, chez moi t'as pas de sang froid. T'as connu, t'as deux fois sorti de la gaffe. C'est Brice, un gaffe, l'on cache des gaffes. J'oublie pas, yaya, et il s'aime de mal à gaffe. J'suis sale, j'suis déterté. Et comme dit AIM, gros, c'est pour fort de Voltaire. J'arrache tout comme un rafleur. Déterre, j'te mets tout le monde, et d'accord, et comme un gros. J'en place une pour les frères à Nanterre. 92, 240, c'est mon terre. Violence verbale, si tu es quelqu'un, vas-y, choisis, tu finiras ton quelqu'un.